On m'a souvent dit, il faut être sage. N'oublie surtout pas d'être raisonnable. Tant pis si ce n'est plus tout à fait toi que tu vois quand tu regardes dans le miroir. On m'a dit, il faut sérieusement apprendre un métier. S'il te plaît, arrête donc de rêver. Il faut veiller à bien t'orienter. Curieuse définition du mot liberté. Et je m'envole vers le soleil. Quand en bas le monde semble toujours pareil. Mais qu'importe les discours, qu'importe les princes et les cours, je ne fais pas le détour pour voir vos châteaux et vos tours. Et je m'envole vers le soleil. Et si je devais un jour me brûler les ailes, le soleil, au moins j'aurais essayé. J'aurais pris mon droit à rêver. Il est si bon d'oublier parfois de notre raison gardée. On m'a souvent dit, il a réussi. Quand moi je ne vois que son costume gris. Vraiment à chacun son paradis. Si l'enfer c'est les outres, quelle ironie. On m'a dit tant de choses, mais ai-je pour autant appris? Quel sens je pourrais donner à ma vie? Ce qui résonne vraiment au fond de moi. Loin de critères qu'on nous donne, tout fait, tout froid. Et je m'envole vers le soleil. Quand en bas le monde semble toujours pareil. Mais qu'importe les discours, qu'importe les princes.